Et maintenant, c'est l'interview explosive. Je voulais le refaire. Alors, comme ton one-man show s'appelle Tristan Lopin pense comme une nana, je vais te faire une interview comme une nana. Okay. Alors, est-ce que comme une nana, tu es au taquet le premier jour des soldes? Non. Ah. Mais les nanas sont pas forcément au taquet. Mais alors voilà, on va tout l'exister. Est-ce que comme une nana, tu es désagréable 5 jours par mois? Ouais, pas forcément les mêmes jours, mais oui. Est-ce que comme une nana, tu trouves que Magali, elle était hyper chiante hier soir? Ah oui, toujours. Est-ce que... Alors, on n'a pas la caméra, mais voilà, Floriane fait des gestes obscènes. Les doigts d'honneur. Est-ce que comme une nana, tu es contente que Brad Pitt soit célibataire? Non, je suis content qu'il soit plus avec Angelina Jolie, c'est très différent. Comme toutes les nanas. Est-ce que comme une nana, tu te trouves grosse? Ah non, je me trouve overbone. Ah. Du coup, est-ce que... C'est l'autre catégorie de... Est-ce que comme une nana, tu attaques un régime chaque lundi? Pas du tout. Est-ce que comme une nana, tu te changes 4 fois par jour? Ouais. Pas 4 fois, mais oui. Est-ce que comme une nana, tu lis Closer? Non. Est-ce que... Glamour. Ah. Est-ce que comme une nana, tu ressors les vieux dossiers? Ah, toujours. C'est la base. Est-ce que comme une nana, quand tu es en avance, tu vas chez Claire's? Non. C'est dans mon spectacle. C'est dans le spectacle. Dire, c'est ton ex, Thibaut, qui t'a traîné chez Claire's. Et dernière question, est-ce que comme une nana, tu trouves cette interview misogyne? Grave. Mais drôle.